Section 107 de la lecture, tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2. Section 107. La matinée d'un critique, par Abraham Dreyfus. Caractère. Narrateur, lu par Sonia. Franck Ollier, lu par Pauline Latournerie. Un monsieur, lu par Thomas Bouissaguet. Le chapeau rose, lu par Margot. La dame, lu par Christiane Johann. Berthelin, lu par Sandra Schmidt. Le jeune homme, lu par Rémy. La petite chose, lu par Cocotte. Le second jeune homme, lu par Casbeck. La petite femme, lu par Stéphanie. La matinée d'un critique. Chez le célèbre critique Alcide Franck Ollier. Vaste cabinet, atelier, bibliothèque. Grande table couverte de papier, de livres et de brochures. Divan oriental. Sur la cheminée, un buste de Diderot. Sur le socle du buste, une plaque de cuivre avec cette inscription. À Monsieur Alcide Franck Ollier, l'équipe des paveurs du 9e arrondissement. Plus loin, un portrait de femme, au crayon, avec la signature du modèle et ses deux lignes. À mon bon Alcide, souvenir de la petite fée rageuse. Chaise, fauteuil, table de tric-trac, tuyau acoustique correspondant avec l'antichambre du rez-de-chaussée, etc. Franck Ollier, à sa table, écrivant. Qu'est-ce au fond que Phèdre ? Un vaudeville, tout simplement. Le vaudeville grivois qu'on jouait il y a 3 ans à l'Athénée et qu'on joue aujourd'hui au Théâtre Cluny ou au Bouffe Parisien. Phèdre, c'est Madame Massé-Montrouge, c'est l'éternelle belle-mère qui brûle de feu que personne ne veut éteindre et qui se pâme dans les bras de son gendre ou de son mari ou d'un brave jeune homme amené là par hasard et dont l'ahurissement sera d'autant plus comique. Prenons, si vous voulez, la fameuse scène du 2e acte. « Ah, cruel, tu m'as trop entendu, je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur, eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. Que de fois nous l'a-t-on servi, cette scène. L'effet en est toujours irrésistible. Madame Massé-Montrouge roule des yeux de carpe et apostrophe le bon jeune homme qui n'en peut mais. Eh bien, vous êtes fixé maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. » Dieu de Dieu, faut-il que je sois folle pour être tombée amoureuse de ce coco-là? C'est une toquade, quoi, une vraie toquade, et il n'y a pas moyen d'y échapper. Oh, si je pouvais le prendre en grippe, cet homme que j'idolâtre. Ah oui, plus ça va, plus je l'idolâtre. Donne-moi donc un coup de couteau dans le cœur, Hippolyte. Mais non, vous verrez qu'il ne me donnera même pas un coup de couteau. Oh! Que je suis malheureuse. Et tout le monde de rire. Vous me direz qu'on ne rit pas au Théâtre Français quand on y voit jouer cette même scène traduite en vers racinien. C'est que Phèdre est une tragédie et il est de convention que les tragédies ne doivent pas exciter le rire. Or, vous savez qu'au théâtre, tout est affaire de convention. Du temps de Racine, on ne faisait pas de vaudeville. Les pièces devaient avoir uniformément 5 actes et être en vers. Racine s'est conformé à cette règle. Mais soyez sûr que, s'il avait vécu de nos jours, il n'aurait pas écrit sa Phèdre autrement que ne l'écrirait Albin Valabrègue ou Grenet d'Ancourt. Le sifflet du tuyau acoustique. Franck Ollier se lève, va au tuyau acoustique et applique le cornet contre son oreille. Petit silence. Franck Ollier parlant dans le tuyau. Oui. Il se remet à table. La porte s'ouvre. Un monsieur entrant et saluant. Pardon, monsieur. C'est à monsieur Alcide Franck Ollier que... Oui. Entrez. Le monsieur avec émotion. Monsieur, vous allez me trouver bien hardi d'avoir osé me présenter chez vous. Mais votre réputation d'obligeance... Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Le monsieur troublé. Mon Dieu, monsieur, j'espère, Si, toutefois, je ne vous dérange pas. Non, mais je vais vous dire. D'habitude, je ne reçois pas le samedi. C'est ce jour-là que je fais mon feuilleton. On n'aurait pas dû vous laisser monter. Ah, j'ignorais. Je le sais bien. C'est la faute de mon domestique. Il n'en fait jamais d'autre. Excusez-moi, je me retire. Mais non, puisque vous y êtes resté, parbleu. Je ne veux pas être indiscret. Tenez, asseyez-vous là. Je suis confus, véritablement. Allez, allez, dites-moi vite votre affaire. Voici, je... C'est une tentative. Souriant. Une tentative littéraire. Francolier, froidement. Ah. Oui, j'ai un emploi qui me laisse des loisirs. Ces loisirs m'ont permis de composer un petit volume. Bourgeon de sapin. Vous êtes dans les pompes funèbres. Le monsieur interloqué. Dans les pompes funèbres. C'est le titre de votre livre qui me le fait supposer. Fourgons et sapins. Le monsieur vivement. Non, pas fourgon. Bourgeon. Bourgeon de sapin. Ah, pardon, j'avais mal entendu. Ce sont des poésies. Naturellement, bourgeon de sapin, ça fleure la poésie. Et vous comptez publier cela? S'il n'y a pas trop d'audace de ma part. Ah, dame, si, il en faut toujours, de l'audace, pour publier des vers, quels qu'ils soient. Vous êtes riche? Riche? C'est-à-dire... Oui, sans excès. Eh bien, écoutez, nous causerons de cela tout à l'heure. Il faut d'abord que je termine mon feuilleton. Vous déjeunerez avec moi. Oh, monsieur Francolier, je ne puis pas accepter. Si, tout le monde déjeune ici. La porte s'ouvre. Un chapeau rose apparaît. On peut entrer? Francolier au monsieur. Tenez, vous tiendrez compagnie à madame. Le monsieur s'incline respectueusement. Le chapeau rose à Francolier. Je vous rapporte vos livres. Ils ne sont pas drôles, vous savez. J'aimais mieux les premiers. Francolier, qui s'est remis à écrire. Eh bien, posez-les là. Ah, un instant. Il faut me les effacer sur le registre. Je ne veux pas qu'on me les réclame plus tard. Est-ce que votre secrétaire n'est pas là? Mais non. Tu sais bien qu'il n'est jamais là, mon secrétaire. Alors, je vais les effacer moi-même. Apercevant un livre sur la table. Tiens, Crime d'amour. Je ne l'ai pas encore lu. On peut le prendre? Francolier ne répond pas. Et les dames de Croix-Mort? On dit que c'est très joli, hein? Est-ce que c'est joli? Tu m'embêtes. Le chapeau rose froissé. Ah, dites donc, c'est vous qui êtes embêtant, malhonnête. Francolier écrivant. C'est comme Horace. J'y pensais l'autre jour en voyant jouer le fils de famille à l'Odéon. À propos, mon cher Porel, pourquoi ne reprenez-vous pas Michel et Christine? Voilà un vaudeville qui ferait de l'argent. Par exemple, cette fois, il ne faudrait pas nous supprimer les couplets. Ah, mais non, un vaudeville sans couplets n'est plus un vaudeville. Où en étais-je? Ah oui. Eh bien, savez-vous que ce personnage du vieil Horace n'est pas autre chose que le vieux soldat de Scribe, celui qui ne connaît que sa consigne et qui se tait sans murmurer? Ce brave homme a trois fils, qu'il a élevés dans son sentiment, le seul sentiment qu'il comprenne, et l'on vient lui dire que sur ses trois fils, deux sont morts tandis que l'autre a filé. Naturellement, l'ancien grognard n'est pas content. Il ne se plaint pas d'avoir perdu deux enfants, ceux-là ont fini comme il le devait. Que des plus nobles fleurs leur tombe soient couvertes. Allez donc, n'en parlons plus. Mais pour le troisième, c'est différent. Le vieux soldat ne lui pardonne pas de s'être sauvé. Malgré toutes les bonnes raisons qu'on lui donne, il ne sait qu'une chose, c'est que la consigne était de ne pas bouger et que son fils a bougé, voilà tout. Et alors, quand on lui dit le fameux « Que vouliez-vous qu'il fît contre trois ?» il répond avec humeur « Et parbleu, ce que j'aurais fait moi-même à sa place, qu'il mourût !» Le sifflet du tuyau acoustique. Ouh. Allons bon. Il se lève et va parler dans le tuyau. Je n'y suis pour personne. Il écoute la réponse. Hein? Parlant. Quelle dame? Même jeu. Comment? Même jeu. Oui, mais vite alors. Il va ouvrir la porte. Une dame entre. Je suis confuse, monsieur, d'avoir tant insisté pour être reçue, mais j'ai craint de manquer de courage un autre jour. Veuillez vous asseoir, madame. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur ? La dame regarde l'auteur des bourgeons de sapin qui cause avec le chapeau rose. Oh, vous pouvez parler devant ces personnes, ce sont des amis. Mais du reste, dans ce petit coin, on ne nous entendra pas. Oh, ce n'est pas cela qui m'inquiète, monsieur, c'est ma demande même, elle est si osée. Francolier souriant. Ne vous gênez pas, allez, si vous aviez entendu tout ce qui s'est déjà dit ici. La dame, choquée. Mais ce que j'ai à vous dire, monsieur, peut être dit tout haut. Alors qu'est-ce qui vous arrête ? C'est vrai, je vous fais perdre votre temps. Eh bien, monsieur, en deux mots, je voudrais trouver des leçons de diction ou de déclamation. Vous voulez entrer au théâtre ? Non, je m'explique mal. Je voudrais donner des leçons. Ah, c'est une autre affaire, ça. C'est difficile, monsieur ? Dame, oui. On trouve des professeurs tant qu'on en veut, mais des élèves... Vous voulez des élèves payants, je suppose ? Forcément, monsieur. Je n'ai aucune fortune. Je suis veuve. Francolier, galamment. Une jeune veuve. Mon mari est mort à la suite de spéculations malheureuses. Avant cela, nous avions un grand train de maison. Nous donnions des soirées dans lesquelles on jouait la comédie. Je disais des vers. J'en disais même un peu partout, avec succès. C'est ce qui m'a donné l'idée. Oui, oui, je comprends. J'ai même pensé à en dire dans les concerts, comme cela se fait souvent. Dans les concerts payants ? La dame, rougissant. Dame, puisque c'est... Sans doute, mais c'est justement là qu'est toute la difficulté. Autre chose est de dire des vers pour son plaisir ou pour le plaisir de ses amis et de les dire pour satisfaire le public. Il est diablement difficile, le public. Il en veut pour son argent. Enfin, récitez-moi toujours quelque chose. Voulez-vous que je vous dise le vase brisé ? Va pour le vase brisé. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé, le coup dut l'effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Eh bien oui, vous récitez cela très gentiment. Après ? Vous croyez qu'on donnera 100 sous pour vous entendre dire le vase brisé ? La dame, rougissant. Non, mais... Ah, pauvre madame, si vous saviez. Mais il y a à Paris 500 personnes qui le disent aussi bien et mieux que vous, le vase brisé, et qui ne seraient pas fichu... pardon, qui ne seraient pas capables d'en tirer 10 centimes. Non, voyez-vous, il faut renoncer à cette idée des soirées payantes. La seule combinaison possible, et encore, c'est celle des leçons aux jeunes filles du monde qui voudraient apprendre à dire les vers comme vous. Mais pour cela, madame, il me semble que vous êtes placée mieux que moi. Mais non, monsieur, je ne puis rien demander aux personnes de mon monde, et c'est ce qui m'a poussée. Donneriez-vous aussi des leçons de maintien ? La dame, rougissant. De maintien ? Peut-être. Enfin, j'y penserai. Si vous vouliez bien me laisser votre adresse. La dame lui remet une carte. Merci. Il me reste, monsieur, à vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'accueil. Il n'y a pas de quoi. Si fait, je suis très touchée. Francolier qui a ouvert la porte. Bonjour, madame. La dame, troublée. Ah, pardon. Saluons. Monsieur. Elle se sauve. Elle est charmante, cette dame, et crânement distinguée, mais elle s'entend à dire des vers comme moi à broder des gilets. Il se remet à sa table. Là. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir travailler un peu. Le sifflet du tuyau acoustique. Encore ? Oh, c'est trop fort ! Il va parler dans le tuyau. Je n'y suis pas ! Vous dites Berthelin ? Ah, pour Berthelin, c'est différent. Berthelin, entrant et riant. Je force la consigne. Oui, c'est mon jour de feuilleton, vous savez. Il lui serre la main. Comment va ? Très bien, j'arrive de la campagne. Et vous venez me demander à déjeuner ? C'est gentil, ça. Mais que je ne vous dérange pas, finissez votre besogne. C'est ce que je vais faire. Un jeune homme qui est entré derrière Berthelin s'avance vers Francolier. Pardon, monsieur ? Francolier, surpris. Ah, je ne vous voyais pas. Il lui serre la main. Bonjour. À Berthelin. C'est votre fils ? Berthelin, riant. Mon fils ? Je n'en ai pas. Francolier au jeune homme. Qui êtes-vous donc ? Le jeune homme d'une voix vibrante. Un passant. Hein ? Le jeune homme continuant. Que personne ne connaît et qui ne connaît personne. Je suis sans parents, sans amis, mais j'ai de la volonté. Je veux arriver et j'arriverai. J'ai fait une pièce, je vous la porte. Elle est sans doute mauvaise, vous me le direz. J'en ferai une autre, j'en ferai deux autres, j'en ferai 10 autres, jusqu'à ce que vous soyez content. Francolier, riant. Mais je serais beaucoup plus content si vous ne m'apportiez rien du tout. À Berthelin. Il est étonnant. Au jeune homme. Quel âge avez-vous ? 18 ans. 18 ans ? Et vous avez écrit une pièce ? Oui, maître. Un drame en 5 actes. Vous demandiez des drames. Je demandais, c'est-à-dire... En voici un. Refuserez-vous de le lire ? Mais mon pauvre enfant, je ne peux pas lire tous les manuscrits qu'on m'apporte. Tenez, adressez-vous à Berthelin. C'est son métier, à lui, de lire les pièces. Il retapera la vôtre. Berthelin, riant. Permettez, monsieur demande votre avis et non le mien. Et puis, je ne fais pas de drame, moi. J'ai écrit aussi une comédie. Francolier, riant. Ah, vous voyez, il vous donnera sa comédie. Certainement. Si monsieur Berthelin veut bien me faire le grand honneur de collaborer avec moi... Mais... C'est entendu. Arrangez cela ensemble. Moi, il faut que je travaille. Le sifflet du tuyau acoustique. Francolier sautant. Oh ! Il se précipite sur le tuyau acoustique, parlant. Voulez-vous me laisser tranquille à la fin ? Quoi ? Ah ! À Berthelin. C'est la petite chose du théâtre français. Elle vient me raconter ses malheurs. Personne au monde ne l'empêcherait de monter. La porte s'ouvre brusquement. La petite chose se précipite dans le cabinet. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous a fait encore ? La petite chose, très animée. Des infamies, parbleu ! Ils ne font que cela ! On veut me faire jouer un récit ! Je vous demande un peu si c'est mon affaire ! Non, ça c'est vrai, ce n'est pas votre affaire. C'est Jameau, notre régisseur, qui m'apprend cela. Je veux voir M. Claretti. Impossible de lui parler. Il était en conférence avec je ne sais qui du ministère. On me dit, voyez le semainier. C'était M. Mauban. Je me plains à lui. Il me répond que ça ne le regarde pas, qu'il n'y peut rien, et patati, et patata. M. Gault m'en dit tout autant. Je retourne chez Jameau, je lui demande des explications. Il reste muet comme une sole. Ce n'est pourtant pas M. Claretti qui aura pensé à me donner ce rôle-là. Ça ne peut être qu'une idée de Coquelin. Je suis très mal avec lui, je vous dirai pourquoi. Francolier, riant. Dites-le nous tout de suite. Ce serait trop long à raconter. Vous nous le raconterez tout à l'heure au dessert. Le sifflet du tuyau acoustique. Encore ! Se précipitant sur le tuyau. Eh bien oui, qu'il monte ou qu'elle monte, envoyez-les-moi tous, mais ne sifflez plus que pour le déjeuner, et le plus tôt possible. À Berthelin ? Ce sera encore le meilleur moyen d'en finir. Sinon, je serai dérangé jusqu'à ce soir. Un second jeune homme entrant. Monsieur Francolier, s'il vous plaît. C'est moi, mon ami. Monsieur. Je suis Rémi Larbinja. Larbinja. Du théâtre des familles. Vous avez rendu compte de la représentation dans laquelle nous avons joué les jurons de Cadillac et Ruy Blas. Je faisais danse à Luste. Ah oui, eh bien, ça n'a pas mal marché, je l'ai dit. Certainement, messieurs. Vous avez été on ne peut plus aimable pour nous. Mais vous avez dit que j'avais le nez comique. Eh bien ? Eh bien... Ça peut me faire du tort, comme je me destine à la tragédie. Avec votre nez ? Le jeune homme interloqué. Oui, monsieur, avec mon nez. Rires étouffés dans l'auditoire. C'est insensé ! À l'auditoire. Voyons, je vous le demande, est-ce qu'il n'a pas le nez comique ? Pourtant, je crois, il me semble... Ah, ces jeunes gens, tous les mêmes. On frappe à la porte. Entrez. La porte s'ouvre. C'est une petite femme qui entre. Tenez, en voilà encore une. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Vous ne me reconnaissez pas, monsieur Francolier ? Je suis venu il y a 2 ans. Vous m'avez donné une lettre pour monsieur Porel. Alice Boucher. Ah, parfaitement. Vous jouiez un page dans je ne sais plus quoi. Dans Macbeth. C'est cela. Eh bien, travaillez-vous toujours ? Êtes-vous contente ? Oui, monsieur. Je prends des leçons avec monsieur Lambert. Il me dit que j'arriverai, que j'ai de grandes dispositions. Tout va bien, alors ? Tout va bien, seulement... Seulement... Je ne gagne rien à l'Odéon. Et on m'offre un engagement de 2 000 francs par mois. Diable ! Où donc, cela ? À Liège. À Liège ? Dans un théâtre qu'on veut fonder pour jouer probablement l'opérette. Comment ? On ne sait pas ce que jouera le théâtre et on engage déjà des actrices à 2 000 francs par mois ? Oh, vous comprenez ? Je sais bien ce que ça veut dire. Le monsieur qui me propose cela est un des gros actionnaires du théâtre. Il aime beaucoup la comédie, mais... Mais il aime encore mieux les comédiennes. La petite femme baissant les yeux. Dame, oui. Eh bien, mon enfant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est votre affaire, ça ! Vous ne pouvez pas me donner un conseil d'ami ? Quel conseil ? Vous comprenez que si je pars pour Liège, je n'ai plus à compter sur l'Odéon. Naturellement. Je romps avec la carrière dramatique, car jouer l'opérette dans un théâtre qui n'existe pas, ce n'est pas ce qu'on peut appeler... Non, n'est-ce pas ? Évidemment, c'est autre chose, quoi. Tout à fait autre chose. Enfin, disons le mot. Avec force. Enfin, j'ai à choisir entre l'art et le déshonneur. Francolier, riant. À peu près. La petite femme, gravement. Que vais-je choisir ? Vous me le demandez. La petite femme, même temps. Oui. Eh bien, écoutez, là, franchement, je crois que vous êtes plutôt faite pour le déshonneur. Rire dans l'auditoire. La petite femme regarde tout le monde avec étonnement. Le sifflet du tuyau acoustique. Ouh ! Ouh ! Pertelin à Francolier. On vous appelle encore ? Oui, mais cette fois, c'est pour déjeuner. À table. Fin de la section 107.